Dans la bande dessinée qui raconte les aventures d'Astérix le Gaulois, tout comme dans le film Astérix et Obélix contre César, il y a plusieurs images que l'on retient. Astérix et sa gourde de potions magiques à la ceinture, Obélix portant négligemment un menhir sur son dos et le druide Panoramix occupé à cueillir le gui sacré. Pour les historiens, il y a là un élément qui ne colle pas, le menhir. Voilà une bonne raison de revenir sur les habitudes des Celtes et d'en savoir davantage sur ces fameux alignements de menhirs de Carnac en Bretagne. Véronique Bourret. Les Celtes ont dominé la majeure partie de l'Europe occidentale au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, entretenant des relations permanentes avec les peuples de la Méditerranée. Leur territoire s'étendait d'Europe occidentale à la frontière septentrionale du monde classique. Ils parlaient une langue indo-européenne et étaient donc de même souche que leurs voisins italiques, helléniques et germains. La société celte avait une base rurale fondée sur l'agriculture et l'élevage. L'unité sociale était la tribu dont le chef écoutait les conseils du druide et dont le nom signifie probablement « vrai prophète ». Aimant festoyer, raconter des histoires et se vanter de leurs exploits, les Celtes étaient, d'après César, de remarquables conducteurs de chars et de fiers guerriers qui, pour impressionner leurs adversaires, se peignaient le corps avec de la guêde, une teinture végétale bleue. On retrouve beaucoup de tout cela dans les aventures d'Astérix le Gaulois. Mais le fait d'associer à la civilisation celte les monuments mégalithiques comme les menhirs et les dolmens est une thèse dénuée de tout fondement car les derniers mégalithes ont été construits plus de 1000 ans avant l'apparition de la société celte et de la religion druidique. Dans la bande dessinée imaginée par Goscinny et Uderzo, le fait qu'Obélix soit livreur de menhirs et exploite une carrière qui en fabrique est donc un anachronisme. Malgré tout, nombreux sont ceux qui continuent à faire l'amalgame et à associer étroitement à la civilisation celtique les sites archéologiques où l'on trouve des mégalithes, c'est-à-dire des grandes pierres grossièrement façonnées. Le site le plus connu en ce domaine est celui de Carnac. Carnac est un petit village de l'ouest de la France, situé sur la côte sud de la Bretagne, dans le département du Morbihan. On peut y voir les célèbres alignements qui comptent des milliers de monuments mégalithiques, menhirs, dolmens et tumulus, datant du néolithique et du début de l'âge de bronze. Environ 2800 menhirs sont répartis en trois groupes. Ménec, Kerlescan et Kermario. Ménec, le groupe principal, se trouve au nord-ouest du village. Il est constitué de 1100 monolithes de granit alignés en 11 rangées à peu près parallèles sur une longueur d'environ 1 km. Cet alignement se termine par un demi-cromlech, un arc de cercle dont les extrémités rejoignent les rangées extérieures. On pense que ces monuments ont pu célébrer le culte des morts ou celui du soleil, mais leur origine et leur signification restent encore très obscures. Carnac, c'est un lieu de vie depuis la préhistoire, avec aujourd'hui plusieurs maisons d'habitation, une ferme en activité, deux centres équestres, des routes, des chemins piétonniers et aussi une association créée en 1993, Menhir Libre, qui s'oppose à ce que les alignements de Carnac soient le prétexte d'une exploitation commerciale et touristique du site. Emprunté au bas breton, menhir est un mot qui signifie « pierre longue ». Les menhirs sont des monolithes dressés, c'est-à-dire des blocs de pierre isolés, le plus souvent de grande taille, et placés verticalement à l'origine. Leur poids varie généralement de 2 à 200 tonnes. Le plus haut menhir de France se trouve à Locmariaquère, dans le Morbihan. Dressé, il atteignait 23,50 m de hauteur et pesait 350 tonnes. Aujourd'hui tombé, il est fragmenté en 4 morceaux qui totalisent 20,60 m. Un des morceaux a été réutilisé comme couverture d'un dolmen dans l'île de Gavrinis, à 11 km de là. Un dolmen, c'est une chambre funéraire dont les parois et le toit sont constitués de monolithes.